diable c'est contre amour qui contre temps s'enfuit toujours. S'il vous plaît, mesdemoiselles, voulez-vous rire un instant de ces pauvres hommes, la tête en l'air, le nez contre terre. Au diable ces pauvres hommes et leur longue lame fraîche. Affamé de douce mort et sèche dans les étoiles, s'enfonce entre les reins d'une catin de Janerio. Aux allures de diva, assujettie infâme des rois, à faire semblant d'être reine, elle s'est pris à ce jeu-là. Taillée de vents éprouvants, éventail entre ses reins, osse d'oie d'écrivain, mousson blanc de patriote, et jurant en baisant, au diable ces hommes-là, au diable ces jolis corps, vendant de l'idéal. En toiles incendiaires, pour quatre pièces d'or, que l'on achète encore comme lumière infidèle, qui pisse des étoiles au chevet de mort. Au diable ces hommes-là, à la lueur de notre mort. Crève nos femmes en rotant l'infortune. Oh ces hommes infidèles, pissant sur notre ciel, oh jurant en écrivant. Oh diable ces hommes-là, et allez nos banderoles festoyant la révolution. Et allez au diable, allez au diable, allez au diable, allez au diable. Et allez au diable, allez au diable, allez au diable, allez au diable, allez au diable, allez au diable. Et allez au diable. À celui qui vit dans la rue, à celui qui n'a jamais cru que la chaleur provient du cœur dans une cheminée ornée de fleurs. À celui qui a trop bu, à celui qui n'a jamais su que l'ivresse et la détresse n'est pas seulement une faiblesse. À celui qui aurait voulu, à celui qui n'a jamais vu un monde peuplé de reines, loin des fous et de la haine. À celui qui n'a pas pu, à celui qui a déçu ceux qui croyaient en lui et qui a été banni. À tous ceux qui se croient seuls, je donne la clé à ceux qui veulent rencontrer, partager juste un peu d'amitié. La tribu des bras cassés, de ceux qui se croient abandonnés dans un coin du monde, et maudissent les secondes, le temps des révoltés, ceux qui combattent pour des idées, chantent l'espoir pour te sortir du noir.